11, 5, activation orale, prononciation, les semi-voyelles W et Y. Écoutez et répétez. C'est aujourd'hui le 8. Mais oui, puisque je te le dis. Non, je ne suis pas Louis. Louis, c'est lui.